les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, la torre, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la torre, la do. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.